Ok, nous sommes toujours avec DJ Vadim dans les locaux de Radio Canu. DJ Vadim qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre ce soir. On rappelle qu'il est en concert à la Marquise dans maintenant 30-40 minutes. Il présente son nouvel album. Voilà, ça va être le feu comme il nous a dit tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous dépêcher d'y aller car apparemment c'est déjà presque plein. On va continuer à profiter de sa présence pour lui poser quelques petites questions sur son travail en général. How do you work the production, the samples, which material do you use? Je lui demande en fait comment il travaille ses sons, sa production, ses samples et quel matériel il utilise. I utilize MPC 500, MPC 1000, MPC 2000, and Cubase, and it's like magic. Okay, you have created your own label, Jay's Fudge. What's the most difficult to manage a label? Je lui dis qu'il a créé son propre label, Jay's Fudge, et quelle est la chose la plus difficile au moment de gérer un label? The hardest thing is the egos of all the MCs. Moi, j'avais aussi une question par rapport à Jazz Foods. Donc, Vadim, why your label Jazz Foods not work anymore? Because I don't have the time. Ok. No more time. Yes. Moi, je vais poser aussi une question. DJ Vadim, en fait, je voulais demander si dans les albums de DJ Vadim, on entend souvent des références à la Russie, à l'URSS. Et je voulais savoir si DJ Vadim, is your heart still in the East, in spite your international career? Is my heart in the East? Yes. My core? Mm-hmm. My core is where my hat is. Mm-hmm. And wherever I lay my hat is my home. You understand? Okay, yes. I don't feel... I'm not Russian, I'm not English, I'm not French, I'm not... I travel the world. D'accord. Like a music gypsy. Ok, yes. Ok, ouais, bien sûr. Donc, DJ Vadim, ma question sur en fait, est-ce que son cœur est à l'aise? Il dit que non, que c'est plutôt global et que c'est pas vraiment un rapprochement, un lien tout le temps à la Russie, quoi. Non, c'est loin de ça. Il dit aussi que partout où il joue, il est chez Billy. Ouais. Et j'ai une petite allusion à la chanson de Marvin Gaye, Wherever I lay my hat is my heart. Ok, merci à toi. Ok. You have traveled a lot. You've passed a lot of time in Barcelona, where you were producing a hip-hop band, Siete Notas, Siete Colores. Oui. Can you tell us about this collaboration, about the city where you like going? Yeah, I played beaucoup fois in Barcelona. The group Siete Notas, Siete Colores. Seven notes, seven colors, and it's mucho muchacho and me, and we have maybe four albums, and I work with them since 98, so 10 years, 11 years. In 2002, we won the Latin Grammys in Miami. And we were the best Latin hip hop group. And I produced the music. Voilà. Okay. It's hot shit. How can you describe your music to a Tibetan monk? Comment tu décrirais ta musique à un moine tibétain? Holy is for the mind. My music is for the core. Ok. La sainteté est pour l'esprit et la musique est pour le corps. Ok. What is the best thing that music brought to you? Quelle est la meilleure chose que la musique t'a apporté? I'm very blessed because of music, to be serious. It brought me, you know, a house, it brought me through music I met my wife, through music I make friends. Music is everything. Music is the medicine. When I'm sick, I listen to music to make me feel better. When I'm depressed, when I'm happy, I listen to music. Music is everything. Music is the food that feeds my soul. Without music, it's like death. And what is the, je sais pas, traduction peut-être? Bah, je sais pas, ouais, moi c'est vrai que j'ai écouté en comprenant, donc je sais pas, bah en fait il dit que la musique c'est voilà, que c'est partout et tout le temps quoi en fait, et que c'est une globalité pour DJ Vadim, et que du coup bah c'est pour tout le monde, c'est pour sa femme, c'est pour ses amis, et après voilà, sans la musique bah c'est la mort quoi pour DJ Vadim, et ça se comprend. Ouais, puis qui s'en sert aussi un peu comme médicament quand les choses vont pas très aussi, bien. Ouais. What is the strangest thing you have read about your music? Quelle est la chose la plus étrange que tu aies lue sur ta musique? That I make techno.